Chapitre 15. Le jeune docteur contenait à peine dans sa frêle poitrine les éclats d'une joie et d'un orgueil insensés, qui ne devaient pas tarder à s'abattre devant de nouveaux obstacles. Le magnétisme est un monde fabuleux, où le succès qu'on croit avoir tout à fait dompté vous échappe souvent par des côtés imprévus. Fritz avait bien ébranlé cette intelligence oisive. Il avait été la chercher dans sa nuit profonde pour la traîner de force par les cheveux, comme la pythonisse antique, vers la lumière de la pensée. Mais outre qu'elle ne tarda pas à retomber dans sa torpeur et son silence, le jeune savant comprit qu'il n'aurait rien fait tant qu'il n'aurait pas pénétré jusqu'au cœur de cette femme. L'esprit des femmes est plutôt dans le cœur que dans la tête. L'intelligence de Pulcherie avait bien percé un instant le nuage épais qui l'enveloppait ténébreusement, mais ce pâle soleil sans chaleur était bientôt rentré dans sa nuit. Il fallait chercher ailleurs une lumière plus tiède et plus durable. Pulcherie, quoique sans discernement et sans affection réelle, manifestait, depuis l'action magnétique, quelques-uns de ces penchants aveugles qui attirent les animaux vers leurs semblables ou qui les en écartent. De telles affinités secrètes existent même entre les êtres inanimés, comme les plantes et les minéraux. Georges Fritz comptait bien transformer avec le temps ses instincts grossiers en des sentiments plus tendres et plus délicats. À la recherche du cœur de Pulcherie pendant plusieurs jours, Fritz environna son sujet des soins les plus tendres. Ayant foi dans cet agent que l'homme peut transmettre par sa volonté aux objets inanimés, et que ces mêmes objets communiquent ensuite aux personnes qui les touchent, il recourt à tous les sortilèges du sentiment. Le magnétisme lui fournit mille moyens d'entretenir avec Pulcherie un commerce intime et mystérieux. Souvent, par exemple, il lui faisait prendre un verre d'eau qu'il avait eu soin de charger de fluide avec son souffle. C'était lui donner en quelque sorte son âme à boire. Pulcherie, tout entourée de Georges comme d'une atmosphère amoureuse, le retrouvait en tout ce qu'elle touchait, car celui-ci avait eu soin d'agir sur tous les objets de la chambre, les fleurs, les bagatelles de sa toilette, et jusqu'à la nourriture qu'elle prenait, étaient comme des sacrements sous lesquels se cachait la pensée constante du jeune docteur. Le magnétisme pourrait bien être une des formes sensibles de l'amour. Nous avons parlé d'un haut sous lequel l'action magnétique de Georges endormait Pulcherie. Les arbres jouent un rôle important dans les annales de la science mesmérienne. On sait quelle juste célébrité s'attacha, dans le dernier siècle, à l'ormeau séculaire de Buzancy, à l'ombre duquel M. le marquis de Puységur observa le premier les merveilles du somnambulisme. Depuis quelques semaines, Georges Fritz avait transporté à un des pommiers du jardin sa puissance magique. Ce pommier était connu, à cause de cela, par les gens du château sous le nom de l'arbre de la science. Un jour d'automne que Georges Fritz se promenait dans les allées du jardin, songeant sans doute, comme tous les magnétiseurs, à l'âme universelle, Mademoiselle de B le poussa doucement par le bras vers le pommier qui était chargé de fruits. Était-ce pur mouvement de gourmandise, ou bien Pulcherie voyait-elle dans ses pommes, belles et délectables à l'œil, ce que Georges Fritz, lui seul, y avait mis? Notre jeune docteur avait voulu attacher pour elle à ses fruits une révélation du bien et du mal. Jusque-là, en effet, la conscience de la belle idiote était confuse et entourée de ténèbres. Pulcherie étendit la main vers une des branches chargées de fruits. Le rameau s'abaissa doucement, et elle cueillit une pomme qu'elle mangea. Alors, le bandeau qui couvrait chez elle les lumières du sens moral parut se soulever, car, ayant vu alors pour la première fois sa gorge qui était nue devant un jeune homme, elle rougit et se fit un fichu de ses belles mains afin de la cacher. Mademoiselle de B se sauva ensuite au château toute confuse et jetant des guirlandes de feuilles autour de son cou. Elle parut craindre et redouter plus tard l'arbre de la science, comme si elle y avait perdu son innocente tranquillité. C'est à l'ombre du pommier qu'elle avait connu la pudeur et peut-être aussi l'attrait du fruit défendu.